Voici votre bulletin régional. L'invitation est lancée le 7 juillet à 10h à assister à l'inauguration des panneaux d'interprétation soulignant l'histoire de la ville de Scotstoun. La cheminée vestige de l'usine de contreplaqué, la Guelph Company, représente aussi un lieu emblématique de la municipalité. Le tout est mis en valeur par l'aménagement de son pourtour. La conférence se déroulera au parc Walter Mackenzie, au pied de la cheminée. Michel Vizina et sa librairie ambulante Le Buvard sera au IGA de Cookshire vers midi le 8 juillet. De 19h30 le 9 juillet, dans le cadre des concerts de la gare, à East Angus, le groupe Les Billy Fontaine vous fera swinguer au rythme de la musique traditionnelle.